incapable de bouger son corps, sentir sa mémoire s'en aller. Sa terreur fut son dernier effort, et il n'a jamais pu parler. Il est assis, il est couché, des heures à fixer le soleil. Et quand les nuits sont étoilées, son cerveau entend les abeilles. Ses yeux se sont ouverts, un instant l'orage est passé, il a saisi dans un éclair une femme assise à ses côtés. Une nuit ses yeux se sont ouverts, une bougie dans l'obscurité. Il a su qu'elle était sa mère. Les abeilles ont recommencé. Rain, rain, go away. Rubbers and raincoats for today.